celle-là totalement. Les chaussures, c'est bien. Ah voilà, l'iPad. Non, je ne sais plus ce que c'était quoi, donc ça m'arrange. Bienvenue au Salon d'écoute du Festival Archipel. C'est donc un espace dédié aux écoutes de musique sur support, avec un acousponium savamment agencé par l'association pour la musique électroacoustique Genève, la MEG, et plus précisément par Thierry Simoneau, Olga Kokcharova et Antoine Siron.